Le poisson et l'hérisson. Cosas, escuro, asubio, esquecer. Le poisson et l'hérisson. Assassin, moustique, salopette, chaussure. Le poisson et l'hérisson. Virelangue. Si ça se passe ainsi, c'est sans souci. Répétez. J'ai soif. C'est dégueulasse. J'en ai assez. Qu'est-ce que c'est? Attention. Coussin. Cousin. Douce, douze. So, zo. Répétez. Coussin, cousin. Douce, douze. So, zo. Répétez. Afermosa saya da Soraya. J'adore la mousse au citron. A cerea y a sardinha son vecinas. Comme dessert, je prends des croissants. À bientôt.